Ultima verba, en latin, les derniers mots du livre, le livre 7. N'oublions pas que Victor Hugo écrit ses vers en exil dans l'île de Jersey. Je ne fléchirai pas, sans plainte dans la bouche, calme, le deuil au cœur, dédaignant le troupeau, je vous embrasserai dans mon exil farouche. Patrie, ô mon autel, liberté, mon drapeau. Mes nobles compagnons, je garde votre culte. Banni, la République est là qui nous unit. J'attacherai la gloire à tout ce qu'on insulte. Je jetterai l'opprobre à tout ce qu'on bénit. Je serai, sous le sac de cendres qui me couvre, la voix qui dit « malheur », la bouche qui dit « non ». Tandis que tes valets te montreront ton Louvre, moi, je te montrerai, César, ton cabanon. Devant les trahisons et les têtes courbées, je croiserai les bras, indigné, mais serein. Sombre fidélité pour les choses tombées, sois ma force et ma joie et mon pilier des reins. Oui, tant qu'il sera là, concède qu'on persiste, ô France, France aimée et qu'on pleure toujours. Je ne reverrai pas ta terre douce et triste, tombeau de mes aïeux et nid de mes amours. Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, France. Hors le devoir, hélas, j'oublierai tout. Parmi les éprouvés, je planterai ma tente. Je resterai proscrit, voulant rester debout. J'accepte l'après-exil, n'eût-il ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié, qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont, qui devraient demeurer. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même, ils ne sont plus que 100, je brave encore celle-là. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là.